Psaume 137. Nous nous sommes assis auprès des fleuves de Babylone, et nous y avons pleuré, nous souvenant de Sion. Nous avons pendu nos harpes au sol, au milieu d'elles. Quand ceux qui nous avaient emmenés prisonniers, nous ont demandé des paroles de cantique, et de les réjouir de nos harpes que nous avions pendues, en nous disant, chantez-nous quelque chose des cantiques de Sion, nous avons répondu. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite s'oublie elle-même. Que ma langue soit attachée à mon palais, si je ne me souviens de toi, et si je ne fais de Jérusalem, le principal sujet de ma réjouissance. Ô Éternel, souviens-toi des enfants des hommes, qui en la journée de Jérusalem disaient, découvrez, découvrez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, qui va être détruite, heureux celui qui te rendra l'appareil de ce que tu nous as fait. Heureux celui qui saisira tes petits-enfants, et qui les froissera contre les pierres.